mes chemises à la laverie automatique. La concierge me monte mon café et mes tartines. Mais la vie n'est pas facile sans les joies de la cuisine. Je ne fume que des Havanes, je bois du Château Lafite. J'ai des beaux draps de soie, mais c'est à peine si j'en profite. S'il y a une chose qui me manque, c'est bien les joies de la cuisine. Moi qui suis la santé même, qui déteste le régime, qui n'ai jamais fait carême, c'est pas tous les soirs que je dîne. Et pourtant Dieu sait si j'aime les joies de la cuisine. Pour un pauvre homme que les plats du jour dépriment, n'y a-t-il personne pour me sauver de la famine, et qui soit aussi porté sur les joies de la cuisine. La cuisine, hein, la cuisine.